Doublage et traduction, Kajita Yasuyo et Mario Lina Venezia. Lecture, Olivier Martineau, Francesca Fossati. Doublage, Olivier Martineau, Margaret Zenou et Samuel Glomé. Prise de son, Georges Thau. Réalisation, Christine Robert. Mixage, Julien Douminc. Coordination, Perrine Carvran et Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Christelle Le Polotec pour LSD, la série documentaire. À demain pour la dernière partie. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous armer de bambou, bibliographie, liens, mais aussi nos podcasts pour le grand soir ou nous réécouter à Tokyo, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernier épisode, Yankee Go Home, la haine des États-Unis. Et pendant 2 semaines, pour prolonger, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, Phare, le film de Carole Rossopoulos réalisé en 71. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Et cette semaine, c'est toute la programmation de France Culture qui explore ce mois de mai 68, de la fabrique de l'histoire au pied sur terre, en passant par les nuits. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.